Bonjour et bienvenue aux auditeurs et amateurs de rock progressif à la cinquième saison de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Alors au programme de l'émission aujourd'hui, nous aurons 9 titres, dont 2 par Comedy of Errors d'Écosse. Nous aurons Freedom to Glide d'Angleterre, Steve Hackett d'Angleterre, Eurasia, une nouveauté ici de l'Italie, on aura Glasshammer des États-Unis, Host Sonaten d'Italie, Galahad d'Angleterre, et nous allons clore l'émission avec Carp Tree de Suède. Alors, en débutant cette semaine, nous avons une nouveauté à l'émission. Il s'agira de la consécration du premier bloc de l'émission dédié à un groupe en particulier, en fait à un album en particulier. Ça va surtout être des albums récents, des nouveautés. Et si, par contre, on est en rupture de stock, ce que je doute énormément parce que durant tout l'été, entre autres, il y a eu des centaines d'albums de rock progressif, pas tous très bons. D'ailleurs, c'est le but de la nouvelle approche avec Rock de Neurones en ce qui concerne le premier bloc de l'émission. On va passer un album qui a au moins 25-26 minutes de matériel que je juge diffusable. Diffusable dans le sens de très bon. Alors, on va débuter avec Comedy of Errors qui a fait paraître cet été House of Mind, leur quatrième album studio. Et on va entendre deux pièces de House of Mind. On va entendre la pièce titre et Song of Wandering Jacobus. Alors, on débute ça sans plus tarder avec Comedy of Errors. Center of everything. Of the night.

Ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe Comedy of Errors avec une nouveauté, la pièce Song of Wandering Jacobus, et c'est extrait de House of Mind, ce qui a été précédé de la pièce titre de cet album-là, House of Mind. Alors après la pause, nous aurons Freedom to Glide, Steve Hackett et Eurasia. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Et oui, encore du rock progressif pour la prochaine heure et demie. Et pour ce bloc, on va débuter avec la formation britannique Freedom to Glide. Freedom to Glide qu'on connaît pour deux albums. Le premier paru en 2013, Rain, et le deuxième, Fall, en 2016. Et c'est extrait de Fall qu'on va entendre la pièce Silent Code. Petit fait à noter ici, Bob Jackson... C'est participe aussi à cet album-là. Et on aura ensuite Steve Hackett avec un extrait de Genesis Revisited, une pièce bien connue et très appréciée des auditeurs. Alors, j'ai nommé The Musical Box. Et en fin de bloc, nous aurons Eurasia, qui est un nouveau groupe de formation italienne avec un extrait du nouvel album Il Mondo a Rovescio et la pièce s'intitule Bispensiero. Alors, on débute ça avec Freedom to Glide. Nights are long and now the dreams are just the same. So begins another day. And though we feel alive with every waking hour, something died along the way. of innocence, stripped of liberty. Though our hearts were open wide, while the sails are furled, the ship will never sail. She's only drifting on the tide. We live by the silent code. Nobody wants to hear, no one would understand. We walk a dark, lonely road. No destination, we have no map to scan. Hope the past could be erased without a trace. We sailed into the setting sun. When I found you, barely recognized my face. The end had only just begun. Silent code. Nobody wants to hear, no one would understand. We walk a dark, lonely road. We have no guiding star, we have no master plan. Thank you. heart now seems so far from me. It hardly seems to matter now. And the nurse will tell you lies of a kingdom beyond the skies. But I am lost within this half world. It hardly seems to matter now. Play me my song. Here it comes again. Play me my song. Three. But the clock stuck on the mantelpiece. And I want, and I feel, and I know, and I touch. Soltanto mentali propri ai seguaci del Soaching, ma soprattutto quello di rendere impossibile ogni altra forma di pensiero. Era sottinteso come una volta che la neolingua fosse stata definitivamente adottata e l'archelingua per contro dimenticata, un pensiero eretico sarebbe stato letteralmente impensabile, per quanto almeno il pensiero dipende dalle parole con cui è suscettibile di essere espresso. Ciò era stato ottenuto in parte mediante l'invenzione di nuove parole, ma soprattutto mediante la soppressione di parole indesiderabili e l'eliminazione di quei significati eterodossi che potevano essere rimasti. Ma a parte la soppressione di parole di carattere palesemente eretico, la riduzione del vocabolario era considerata fine a se stessa. La neolingua era intesa non ad estendere, ma a diminuire le possibilità del pensiero. Pensiero, sono tutte lì dentro le emozioni che non sono me, il sapere profondo è dentro, il mio posto nella storia esiste già dentro l'eternità. Loia lì dirò, senza lei non vivrò, non potrai cancellarmi dal passato, no, non ce la farai. Presenta me. Nell'azione dell'attimo c'è già la vera piena libertà. Non ce la farai. subito quello che fai. Il mio sentire è più forte di te, si fa materia, un circolo virtuoso, io odio sarà. Costume, te lo strapperò, non ce lo ruberai, nel futuro no, tu non ci Alors, c'était Eurasia d'Italie avec la pièce Bispensiero et c'est extrait de Il Mondo a Rovescio. Ça, ça vient tout juste de sortir. Ça a été précédé de Steve Hackett et la pièce The Musical Box. Ça, c'est extrait de Genesis Revisited 2, paru en 2012. Pour ceux qui ne connaissent pas cet album-là, c'est un album double qui reprend tous les, en fait, les meilleurs titres de Genesis avec une lecture assez moderne. Et Steve Hackett, là-dessus, en tout cas, il y a des collaborateurs qui ne sont pas piqués des verres. Là, et j'ai nommé Dave Kirzner de Sound of Contact, il y a Steve Artery de Mary Leon, il y a John Wetton, Feu John Wetton, il y a Nick Kershaw, il y a Nad Sylvan au chant. En tout cas, il y en a une vingtaine, 25 à peu près collaborateurs sur cet album-là. Là, je recommande très fortement. Il y a même Supper's Ready là-dessus. Et au début de bloc, nous avions Freedom to Glide avec Bob Jackson. J'ai oublié de mentionner en début de bloc que Bob Jackson était le guitariste de Badfinger. Groupe qu'on a connu dans les années 70 avec une dizaine d'albums. Alors après la pause, Glasshammer. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Et oui, nous sommes rendus au troisième bloc de l'émission consacrée au rock progressif sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières et j'ai nommé Rock de Neurones. Alors pour ce troisième bloc, nous aurons une seule pièce, une longue pièce de la formation Glasshammer. Et la pièce s'intitule If the Sun, c'est extrait du 11e ou 12e album qui s'intitule If. 11 ou 12 albums de 16 ou 17. En tout cas, il y a une carrière, Glasshammer, une carrière assez prolifique. Un groupe que j'ai eu le plaisir de voir en spectacle en mai dernier à la convention ou au festival Terra Incognita au Centre d'art La Chapelle. En tout cas, si le festival revient en 2018, je vous suggère fortement d'aller voir ces groupes-là. C'est une salle intimiste et on a un très bon contact avec les artistes. Alors, vous allez remarquer que cette version de la pièce If the Sun par Glasshammer est beaucoup inspirée par Yes, surtout au niveau du vocal avec John Davison. John Davison qui, soit dit en passant, a quitté Glasshammer en 2012, donc 2 ans après cet album-là, pour se joindre à une des deux versions de Yes qui circule en ce moment. Alors, je vous présente tout de suite la pièce If the Sun. Thank you. Never need I return what I had once thought of as home. Was just a place of gloom and wandering. See to me, please sail. Whether I had run away from home, sweetly came that Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est Glass Hammer avec la pièce If the Sun. Ça, c'est extrait de l'album qui est paru en 2010 et le titre de l'album, c'est If. Après la pause, Osonaten, Galahad et Carp Tree. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission et on va débuter ça avec une formation italienne sous la gouverne de Fabio Zuffenti, Osonaten, un autre groupe que j'ai eu la chance de voir en spectacle au mois de mai dernier au Festival de Terra Incognita à Québec, au Centre d'Art de la Chapelle. Et ils ont 8 albums studio, et dont 4 qui sont consacrés aux saisons. Hiver, été, automne et printemps. Et on va entendre une pièce qui est extraite de Winter Through. OK, c'est la pièce va s'intituler Entering the Halls of Winter. Et ensuite, nous aurons une nouveauté de Galahad. Ils viennent de faire paraître leur 11e album qui s'intitule Shine. Et on va entendre la pièce Shine. En fait, c'est l'album Quiet Storms, désolé. Et on va entendre la pièce Shine. Et on va conclure avec Carp Tree qui ont fait paraître leur 6e album. Ça, c'est au printemps dernier. On avait clos l'émission du 24 avril avec une pièce de Carp Tree. Et on reprend ça aujourd'hui. Et on va vous faire entendre The Fleeting Deep. Et ça, c'est extrait de Emerger. Alors, on commence avec Osonaten. Thank you. silent in thought, reflecting on how life used to be. It seems such a long time ago now, since fate dealt such a devastating blow. And she was the dream of a many young men, a beauty standing out from the crowd. The world was waiting for her to blossom. Now she sits waiting for a miracle, a miracle. The courage keeps her going, gives her the will to live the best she can, the best she can. Her inner strength is holding, she'll prove she can live a life full of promise and not regret. The best she can, the best she can, and she can. A pretty smile belies the pain she feels so deep inside. But she can hold her head up high. For still she has her pride. Taken for granted, determined to win against all the odds, laying to rest the beast within. The beauty the world was waiting for her to blossom, now she sits waiting for a miracle, a miracle. The courage keeps her going, gives her the will to live the best she can, the best she can. Her inner strength is holding, she'll prove she can live a life full of promise and not regret. The best she can, the best she can. She can hold her head up high. For still she has her pride. She has faith on her side. Thank you. she magnificent and shines. She is just fine. Still, she shines. She feels so deep inside. if everything is recorded, then what am I full of? More importantly, what should I immerse in? Where do I go to find the space for necessary distance or detachment? Is there some place? Can I go? C'était le groupe suédois Carp Tree avec la pièce The Fleeting Deep. Ça, c'est extrait de Emerger qui est sorti au printemps de 2017. Ça a été précédé de Galahad avec la pièce Shine. Ça, c'est extrait de Quiet Storms, un nouvel album paru à la fin de l'été. Et en début de bloc, nous avions Hossonaten avec la pièce Entering the Halls of Winter. Et ça, c'est extrait de Winter True et paru en 2013. Alors, ceci met fin à l'émission et je vous invite, si vous avez un petit temps libre, d'aller consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones pour consulter la feuille de route de l'émission de cette semaine. En plus, vous avez accès avec un hyperlien à la discographie complète, presque complète, des émissions passées de Rock de Neurones. On parle ici de plus de 90 émissions de 2 heures. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.